Un beau jour, Ursus reçut de docteur délégué un ordre de comparution. Aux accusations des trois docteurs, Ursus répondait avec solidité, mais avec platitude. « Nous pourrions vous envoyer en prison. »« Je l'entrevois, messeigneurs. »« On dit que vous guérissez les malades. »« Je suis victime des calomnies. » La triple paire de sourcils horrifiques des docteurs délégués braqués sur Ursus fronça. « Allez-vous-en !» Tout en s'enfuyant, il grommelait. « Je l'ai échappé belle. » Ursus rentra à la Grimbox, raconta à maître Nicless qu'il s'était attardé à sauver une jolie femme et ne souffla un mot de son aventure. Seulement, le soir, il dit tout bas au mot. « Sache ceci, j'ai vaincu les trois têtes de Cerbère. »